la petite semaine. Ne vaut peut-être pas la peine. Si tu la veux plus sereine, n'écoute pas leur sirène. Leur sirène de distancer. Comment naviguer, leur sirène te dit quoi posséder, quoi posséder. C'est qui à la petite semaine me fait vraiment de la peine. Si tu veux que le bon possédé. Tu es.